Pendant les 20 dernières années, depuis la visite du général Kim Jong-il le 15 juin de l'an 86 du Juche 1997, l'exposition des Trois Révolutions a reçu environ 9 600 000 visiteurs, y compris les militaires de l'armée populaire, les travailleurs de divers paliers, les jeunes étudiants, les compatriotes coréens d'outre-mer et les hôtes étrangers. Pendant ce temps-là, elle a abrité 190 festivals des sciences et techniques, expositions, etc., pour ainsi contribuer à la vulgarisation et aux échanges des sciences et techniques. En Corée, les trois révolutions idéologiques, techniques et culturelles sont commencées tout juste après la libération de la Corée sur l'initiative du président Kim Il-sung par le mouvement idéologique en faveur de la mobilisation générale pour l'éducation nationale, la campagne contre l'analphabétisme et le mouvement d'émulation pour l'augmentation de la production. La visite du général à l'exposition des Trois Révolutions a été une historique occasion de marquer un tournant décisif dans la gestion de l'exposition, base d'éducation importante pour maintenir les Trois Révolutions comme la ligne générale du Parti du Travail de Corée.